Et comment direz-vous « je serai ici » ? Comment dit-on « être » dans cette phrase ? Remarquez qu'il s'agit ici de parler de la position dans l'espace. On répond à la question « où ?»« Où serez-vous ? » ?»« Où seras-tu ? » Donc, des deux verbes « être » qui existent en espagnol, on va utiliser celui qui sert à parler d'un état passager. Celui qui sert aussi à parler de la position de quelque chose ou de quelqu'un dans l'espace. Donc, dans la phrase « je serai ici », le verbe « être » dont on a besoin, c'est Estar. Estar, hein? Tout à fait. Et demain, je serai ici à cette heure-ci. Mañana. Mañana, oui. Je serai ici. Estaré aquí. Bien. Estaré. Hein? On accentue la terminaison. Estaré. Je serai ici. Estaré aquí. À cette heure-ci. A esta hora. C'est ça. Hein? A esta hora. Mañana estaré aquí. A esta hora. Comment dira-t-on... Nous serons ici demain. Estaremos. Bien, encore une fois. Estaremos. Estaremos. Aquí mañana. D'accord. Estaremos aquí mañana. Et il sera ici. Estará aquí. Oui, estará aquí. Dites-moi maintenant, est-ce que ça sera prêt pour demain? Estará prêt... non, listo. Listo. Listo? Ah non, listo. Listo, oui. Hein? Listo, pour demain. Para mañana. Bien. Estará listo para mañana. Et vous pouvez aussi dire va estar listo, c'est-à-dire est-ce que ça va être prêt ?